Lisez la page Facebook de C'est vous qui le dites. Sur Facebook, n'hésitez pas, elle est à votre disposition. À demain. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. L'heure de s'informer avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, la panne est résolue dans les administrations communales. Hier, à cause d'un problème technique, le système lié aux cartes d'identité était inutilisable. Impossible de demander de nouveaux documents ou de les activer. Le problème venait d'un changement de logiciel réalisé ce week-end. Monsieur Westphal est un homme politique qui se défend comme un homme politique. Les mots de l'avocat de la famille Pirauton, l'avocat qui a débuté sa plaidoirie ce matin à la cour d'assises de Mons. Et il ne croit pas un instant en l'innocence de l'ex-élu Wallon, accusé du meurtre de son épouse. « Nous sommes venus chercher la vérité », ajoute-t-il, « pas celle des médias, ni celle de Bernard Westphal ». Grave accident ce matin à Roreil, près de Warem, à la fin d'une sortie d'autoroute. Une femme a été éjectée de sa voiture, elle est dans un état grave et un enfant est aussi blessé. Pompiers, ambulances et police étaient déployés en nombre. C'est un endroit où des travaux provoquent un trafic plus dense. Quand des TGV sauvent une usine, la France confirme une commande de trains supplémentaires, 15 TGV à Alstom pour sauver le site de Belfort en Bourgogne-Franche-Comté. Le calendrier de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne se précise et il affole les milieux financiers britanniques. La livre sterling plonge à nouveau ce matin. Elle atteint son plus bas niveau en 31 ans face au dollar. Et pour l'euro, la livre sterling n'a plus été aussi basse depuis 3 ans, un peu plus de 87 pence pour 1 euro. La visite surprise du pape à Amatrice en Italie, ville dévastée par un tremblement de terre cet été. Le séisme a coûté la vie à près de 300 personnes. Le pape François est parti à la rencontre des enfants scolarisés dans des préfabriqués. L'école s'est écroulée. Il devrait ensuite entrer dans la zone dite rouge où les ruines sont encore instables. Les répliques sont nombreuses. Départ à Binche, retour à Binche, mais en passant par Chimay, dernière course cycliste de la saison aujourd'hui en Wallonie. Au programme, quelques pavés et 194 km. Tom Bonnen et le champion olympique Greg Van Avermaet prennent le départ. Notre journaliste vélo Samuel Grulois vous fera vivre la course cet après-midi. La météo, c'est au sec aujourd'hui et ce sera plus ensoleillé cet après-midi, de 13 à 18 degrés pour les mix maxima. Jean-Marc Stray, là, c'est toujours aussi calme. Oui, j'allais vous parler d'un accident sur l'N5, mais c'est terminé à hauteur de Genappe, donc on peut l'oublier. Donc une seule info qui reste, c'est un peu de monde en circulation intérieure, ring de Bruxelles bien sûr, entre Woluwe et Saint-Étienne et Zaventem en direction de Mechelen. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bonne matinée, on va retrouver l'équipe d'On n'est pas des pigeons. Merci Delphine, retour de l'info à midi. Où est la plus grande foire au vin de Belgique? Chez Cora! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Et le bruit que vous entendez, c'est Annie qui s'étale sur le bureau, qui vient d'entrer comme une reine. Je suis tellement contente d'arriver. Oh, ça me fait plaisir. Surtout qu'on va prendre le cas de Françoise en considération aujourd'hui. Françoise, qui a un problème avec sa litière robot. C'est quoi cette litière robot? Écoutez, litière, ça veut dire quoi? Chat. Robot, chat, vous allez voir, c'est compliqué, mais en plus ça coûte cher. C'est un truc qui coûte très cher. Je n'ai toujours rien compris. Vivement dans un quart d'heure. Qu'on y voit un petit peu plus clair. Nous sommes le 4 octobre, c'est la journée mondiale des animaux. On s'intéressera aux caméras de surveillance pour chiens et chats parce que ça aussi, ça existe. Mais non, on dans en quel a monde des trucs. Dans le journal de la Conso Aurore, on parle de vitamines. Oui, est-ce que vous prenez des vitamines autour de la table? Non. Est-ce qu'une banane, c'est le plein de vitamines? Eh bah oui, justement, qu'on prend souvent des compléments alimentaires alors que finalement, une alimentation saine et équilibrée suffirait. Voilà, donc je suis bon avec ma banane aujourd'hui. Oui. Et puis quand on est dans les embouteillages, on a toujours l'impression que c'est la file d'à côté qui avance le plus vite. Vrai ou pas, Isabelle? Eh bien, des chercheurs néerlandais se sont posés sur la question. Ils ont peut-être bien une réponse. On verra ça tout à l'heure. D'ici là, si vous voulez réagir, Il y a une question sur Facebook. Eh ben, c'est justement la question. Est-ce que vous avez aussi l'impression d'être dans la mauvaise file quand vous êtes dans les bouchons? Est-ce que vous avez des trucs pour rester zen en cas d'embouteillage? Dites-le nous sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes. Et vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Que tu sois dans les embouteillages ou à la maison, pour rester zen, il suffit d'écouter Vivacité. Surtout qu'il y a de la bonne musique. Alors j'écoute du mal. Programmation musicale signée avec le groupe Navy. J'écoute du Miles Davis et Shawn Mendes. Tu as envie de t'informer autrement, tu as envie d'avoir des bons plans, des astuces, tu as envie de te divertir en écoutant la radio, sois le bienvenu, c'est les pigeons jusque 13h. Approche la chute, et ça tes jolies jupes n'y font rien. Elle approche la chute, et même nos parachutes n'y pourront rien. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas, en souhaitant qu'en bas ce sera comme avant, qu'en bas seront morts en tombant, nos différents. Nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant. Elle approche la chute et elle va droit au but, mais là n'a rien. Elle approche la chute. Peu importe que tu luttes, tu peux plus rien. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en priant. Qu'en bas ce sera différent, qu'en bas seront morts en tombant nos vies d'avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant. Nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant, en avant. Ne regarde pas en bas, donne-moi la main. À trois, on sera libre enfin. On saura vite si c'est la fin. Un. Nous avons fait un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant, en avant. Avec Au bord du gouffre. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, dans cette émission, on faisait le point sur l'essence 95 E10 qui sera disponible dès 2017 chez nous, mais pour laquelle une campagne d'information vient déjà d'être lancé, le sujet vous a fait réagir sur Facebook. Oui, Michel nous écrit, cela fait plusieurs années que l'E10 est livré en France, dans différentes stations, et elle est toujours moins chère que la 95. Je ne vois pas pourquoi elle doit être plus chère chez nous. Mais il est vrai que le porte-parole du service public économie nous disait qu'elle pourrait être légèrement plus chère que la 95 actuelle. Alors Philippe, lui, il nous pose la question des tondeuses. On imagine, bah, là aussi, les tondeuses qui fonctionnaient en 95, qu'est-ce qui va en être? Ça doit fonctionner avec, avec la 98. Pas forcément, puisque c'est peut-être des moteurs qui vont... Et les mobilettes. aussi. Et les motos, la question va se poser. Et puis Greg nous dit qu'il roule à l'éthanol depuis 2 ans avec sa Golf Cabriolet de 2001 et qu'il n'a rencontré aucun souci jusque-là. Et les tronçonneuses. Ouais, ça risque. Et tout. Et bah, on va aller sur le site. Est-ce qu'ils ont pensé à mettre aussi sur le site? Ah non, parce qu'il n'y a que voiture. Même j'ai regardé hier pour les motos, il n'y a même pas. C'est un peu compliqué. Tous les modèles ne sont pas, oui. Tout n'est pas encore répertorié. À mon avis, ils font peut-être au fur et à mesure aussi. Hein. Le ministère, il y a encore du boulot, les gars. Hein. Oui. Hein. Bon, on parle d'un autre sujet, celui du kit de coloration professionnelle vendu dans les salons de coiffure. C'est pour se teindre les cheveux à la maison. Ça aussi, ça vous a fait réagir. Oui, Valérie nous écrit, je fais mes colorations moi-même. C'est même mes ados qui m'aident et le résultat est impeccable. Pourtant, je suis passée de blonde à brune. Ma sœur était coiffeuse, j'ai reçu les bases et je l'ai vu faire pendant des années. La différence de prix est incroyable vu que j'achète un grand stock quand c'est en promotion. Et vous êtes d'ailleurs plusieurs à parler du prix, comme Christelle qui nous écrit, moi je fais des colos seuls depuis des années, facile et économique à tester, sauf pour les blonds qui jaunissent. Pam, par contre, préfère économiser 45€ pour refaire une coloration dans les règles chez le coiffeur. Et puis, aller chez le coiffeur, nous écrit-elle, ça fait un bien fou. C'est vrai, ça détend. On est d'accord. Ça, c'est vrai. On a reçu aussi un mail à l'attention d'Hubert qui parlait des pommes de terre hier. C'est un mail de Joseph. Oui, j'en ai marre d'entendre presque chaque année que les cultures n'ont pas donné la production attendue à cause de la météo. Je cultive, entre autres, des pommes de terre depuis toujours dans mon jardin, sans aucun truquicide. Je plante fin mars ou début avril, suivant la météo, et je cultive la bintio, la désirée rouge, l'œil de perdrix et la vitelotte. Je n'arrose même pas, je laisse faire la nature et la nature me le rend bien. Alors que les fermiers se plaignent de leur mauvaise récolte malgré tout ce qu'ils utilisent. Signé Joseph, et il sait de quoi il parle, il a 71 ans, nous dit-il. On a aussi reçu une info capitale. Capital. Capital. Mais oui, une info pour vous, Sébastien. Pourquoi ? Puisqu'il sait, il sait que vous aimez les chips. Elle est capitale, son info. Évidemment. La chips la plus épicée du monde s'appelle la Carolina Reaper Madness Chip. Je veux goûter. Carolina Reaper, qui est le nom du piment le plus puissant au monde. Et c'est tellement, peut-être pas. Mais c'est tellement piquant que c'est emballé à la pièce. Donc non, vous achetez une. Alors c'est une ou un. On s'en fout, non. Une chip. Systématiquement des chips. Mais non, ici c'est une justement, et c'est emballé dans un emballage qui ressemble à un cercueil. Ok, d'accord. C'est vendu aux États-Unis à 4,99€, mais on trouve ça sur Internet. 4,99€ plutôt. Et ça donne envie de tester. Ou mais pas, parce évidemment. Que c'est marrant. Arrête, je veux bien, mais je suis pas téméraire. C'est pas un cercueil en forme d'emballage. Non. C'est pas bon si signe. Si vous avez d'autres choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse c'est pigeons@rtbf.be. Et puis notre répondeur est là aussi, 070-222-660. Navi arrive après la pause et puis nous téléphonerons à Françoise qui a une litière robot. Bon, il y a un problème avec la litière robot, on l'a bien compris, mais la question qui nous intéresse d'abord avant de s'intéresser au problème, c'est quoi une litière robot? La réponse dans quelques minutes. Attends, chez Krefel, ils ne font pas qu'adapter les prix. Ils négocient aussi de ses promos, mon vieux. Regarde dans le folder et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Mathilde Thomas, créatrice de Caudalie, nous parle des effets de l'âge. C'est surtout le relâchement, l'ovale du visage se floute, la peau se détend. C'est ce que Resveratrol Lift va combattre. Et comment ça marche? Nos chercheurs de la faculté de médecine d'Harvard ont découvert que le resveratrol de vigne booste la production naturelle d'acide hyaluronique. On a breveté leur association pour créer Resveratrol Lift, un anti-âge qui repulpe, qui redensifie et raffermit le visage. Rien qu'à vous entendre, je me sens déjà plus belle. Resveratrol Lift de Caudalie, le premier lifting naturel et efficace, en pharmacie et parapharmacie. Vous entendez? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme le fromage à raclette, le pays fromager, le jambon de Savoie, le galibier à moins 50%. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Vivacité présente à Certa Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2.

un appareil qui fonctionne à l'électricité. Le chat va faire ses besoins et la litière attend un moment après que le chat soit parti pour faire partir les déjections. Et vous nettoyez le bac tous les X jours en fonction du nombre de chats que vous avez. Ah d'accord, donc ça c'est le chat rentre dedans, on a les images ici sous le nez, tapez litière robot sur Google, vous verrez les images, c'est un peu bizarre. Le chat rentre dedans et puis ça tire la chasse tout seul quoi. En gros c'est ça. Bref, vous achetez ça sur le site Avenir Diffusion. On vous dit qu'on ne sait pas vous livrer et qu'on va vous rembourser. Mais vous n'avez toujours rien reçu aujourd'hui et là vous vous dites qu'il y a une arnaque. Tout à fait, ça date du mois d'avril. Mm-hmm. Vous avez payé ça combien ? 350 euros plus 12 euros de frais de port. Ah oui, d'accord. Et alors, pour tous les chats, là, il y a une porte, c'est marqué occupé dessus, puisque vous avez 10 chats qui passent régulièrement. Ils sont intelligents, ils savent si c'est occupé ou pas. Bon, Annie. Avenir Diffusion, est-ce que c'est occupé ? On va essayer d'appeler. Alors Avenir Diffusion, c'est une société française qui se trouve dans la région de Toulon. Alors c'est une société de vente à distance qui utilise le réseau Internet, qui a une volonté, je lis ce que j'ai trouvé sur le site de cette société Avenir Diffusion, elle a une volonté de respecter le client, elle a donc décidé de se conformer aux règles dictées par le syndicat des entreprises de vente par correspondance et à distance. C'est pas mal ce qu'elle dit. Voilà, c'est bien. Hein, elle respecte les principes fondamentaux que sont la clarté, la pérennité des offres, enfin bref, elle respecte tout. Il y a des conditions générales quand vous allez sur le site. Et ce qui se passe ici, ce qui est un peu curieux, c'est qu'au moment où vous commandez Françoise, on a bien compris que c'était au mois d'avril, 15 jours plus tard, on vous dit déjà « Ah ben c'est pas possible, on ne saura pas vous livrer cette fameuse litière robot, 362 euros, on l'a bien compris. » Et le problème, c'est qu'on est début octobre et il n'y a pas de nouvelles. Et donc, voilà, moi j'ai envoyé un mail, j'ai toujours pas de réponse, mais il y a un numéro de téléphone. Appelons-le. Du côté de Toulon. Nous demandons au standard d'appeler le numéro de téléphone. Direction le sud de la France, chez Avenir Diffusion, en espérant que ça sonne. Pour l'instant, nous n'entendons rien. Ça m'inquiète quand on n'entend rien. Oui, c'est un peu que... Je me retourne vers Alexis. Ça sonne. Donc voilà, ça va. Et donc, Avenir Diffusion, c'est une SPRL. Ouais. Avec un gérant qui s'appelle Jean-Luc. Je ne sais pas si ce sera Jean-Luc qui va nous répondre, mais en espérant que quelqu'un nous réponde. Je peux même vous donner son chiffre d'affaires en 2015. Parce que vous êtes dit donc, Sherlock Holmes. 562 600 euros. Pas mal, donc quand correct. Même, c'est qu'il vend des litières robots. Il en vend quelques-unes, ça c'est sûr qu'il en vend quelques-unes. Mais là, il est en représentation, à mon avis, notre ami Jean-Luc. Ah, là, on vient d'être dévié sur une autre ligne, j'ai l'impression. On laisse encore quelques sonneries. Oui, et puis après, on passe à autre chose. Je crois que je vais aller en régie. Vous allez aller en régie, peut-être, pour rappeler tout à l'heure. Mais cela dit, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ici à Françoise ? Ce qu'on peut donner comme conseil, c'est que... On a quelqu'un. Bonjour, je suis bien chez Avenir Diffusion ? Oui. Allô, bonjour, Sébastien Nolvaux, vous êtes en direct sur Vivacité, c'est une radio en Belgique. L'émission s'appelle On n'est pas des pigeons, je me permets de vous téléphoner, madame, parce que on a un petit souci, je vous entends pas bien en fait. On a un petit souci avec Vous m'entendez pas, dites-moi. Voilà. Ouais, moi je vous entends pas très bien, dites-moi, je vous écoute. On a une cliente, une auditrice en Belgique, Françoise, qui a commandé en avril... Oui, elle vient de m'appeler. ...une litière pour chat. Oh putain, robot litière, enfin, j'arrête même ces produits... Voilà, et donc elle le commande en avril, elle reçoit très vite un mail comme quoi il n'y a plus et on va la rembourser. On est en octobre et elle n'a toujours pas le remboursement, il y avait quand même 362 euros dans l'affaire. Ouais, bon, 362 euros, entre-temps j'ai fait 3 mois d'hôpital et voilà, je suis en train de régler, elle m'a rappelé, je lui ai renvoyé son chèque. Hein. Donc voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah ben monsieur, vous connaissez le dossier ? J'ai tous les papiers, j'ai tout ce qu'il faut. Ah ben il n'y a pas de souci. Je travaille, je suis tout seul. Bon, 360 euros, elle va les récupérer. Pas ce que me doit le fournisseur Ferrobo Litière qui m'a d'ailleurs, qui me doit beaucoup plus que ça. Ah d'accord, donc attendez, vous avez des soucis avec le fournisseur en fait, c'est ça ? Hein ? Vous avez des soucis avec le fournisseur ? De robot litière. Non, j'ai des soucis avec le fournisseur. Ouais, d'accord. Et on peut vous demander, monsieur. Un robot litière que j'ai commandé, peut-être le vôtre. J'ai arrêté de travailler avec lui, j'ai carrément arrêté ce produit. Mm-hmm. D'accord. Voilà, alors, monsieur, écoutez, en Belgique, nous, on ne travaille plus avec des chèques. Est-ce que c'est possible de faire un versement sur un compte ? Ben oui, bien sûr. Et donc, on peut vous transmettre sur votre adresse mail le compte de la cliente ? Oui ? Bien sûr. C'est très bien. Et vous avez l'intention d'effectuer le virement quand ? Dès que j'ai votre RIB. Écoutez, je sais que les chèques, j'aime bien parce que j'envoie le chèque. Oui, mais ici en Belgique, ça ne fonctionne plus comme ça, monsieur. Donc, on va vous envoyer un mail avec les coordonnées bancaires de Françoise et vous vous engagez en direct à la radio en Belgique à rembourser le plus vite possible les 362 euros de Françoise. Ouais, tant mieux. Voilà. Affaire classée Françoise ? Oui. Le dossier est à suivre. Mais de votre côté, vous nous tenez au courant quand vous avez des nouvelles et quand l'argent est sur votre compte. On fait comme ça ? Tout à fait, parce que je suis sceptique. Mais écoutez, non, monsieur d'Avenir Diffusion s'est engagé. Et au pire, si vous n'avez rien dans les prochaines semaines, vous nous rappelez. Vous nous rappelez. On redonnera un petit coup de fil. Merci. Oui. Et vous m'envoyez un mail, Françoise, avec votre numéro de compte, IBAN, etc., que je puisse, moi, faire l'intermédiaire entre vous et Avenir Diffusion. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rapide conseil pour ceux qui téléphonent. Écoutez, si on a des problèmes avec un site en Europe, il y a une adresse, l'incontournable, Centre Européen des Consommateurs, cecbelgique.be, avec un numéro de téléphone, 02 542 33 89. Et on a toujours la possibilité, en cas de problème, avec une livraison ou bien avec le vendeur, de contester sur le site macarte.be une transaction qu'on a soi-même effectuée, qui n'est donc pas frauduleuse, pour autant qu'on ait évidemment utilisé sa carte de crédit. C'était les conseils d'Annie. Pascal Obispo arrive après la pause, il y a le journal de la Conso dans la foulée, on vous dira que payer en ligne avec un selfie ou une empreinte digitale, ce sera peut-être bientôt possible. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher ? Pas chez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. Électro. Dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? C'est simple, nous commandons en grande quantité pour obtenir les meilleurs prix. Découvrez comment vous profitez des économies que nous faisons sur electrodepot.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, Métro et Dimerx. Electro Dépôt. Quand je surfe sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'Internet ultra rapide dans un trio Wahoo ou Tatoo. Pour la rentrée, vous offre un laptop Acer d'une valeur de 479 euros. Un laptop Acer. Plus d'infos dans votre boutique Voo ou au 0800 825. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à condition. Quelqu'un ou bien personne. ce qu'on laisse, à tous ceux qui nous délaissent, qu'on survive ou qu'on disparaisse. Peu importe qui nous blesse, oh, laisser c'est comme tout vouloir, mais sans s'en apercevoir. En amour, l'important c'est donner et ne rien demander. Peu importe ce qu'on dit, avec des mots décrits, quand c'est le cœur qui parle aussi. Peu importe ce qu'on vit, oh, il faut toujours le vouloir. Et bien Souvenir de l'année 2000, l'important c'est d'aimer, c'était Pascal Obispo. On part sur les routes, Jean-Marc Trail, comment ça se passe? L'important c'est de circuler, oui, sans problème, et c'est le cas. Donc il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout est dégagé. Bah, c'est cool ça. Sinon toi ça va? Oui ça va, et toi? Bah écoute, ah, attendez, attendez, j'ai une info qui est arrivée. Une voiture sur le toit, ça c'est du live. Hein. Ça roule moins bien ça, c'est forcément. Sur le... Ah oui, comme dirait Bourville, sur le 40 Bruxelles-Liège, à hauteur de Linsan, la bande de droite est neutralisée en direction de Liège. Bah, voilà, merci Jean-Marc. Je vous ai demandé. Hein. You make me smile. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h32, place au journal de la conso dans le soir. Aujourd'hui, Aurore, on apprend que les Belges consomment des vitamines parfois à tort et à travers. Oui. Selon l'Institut de Santé Publique, 38% des Belges consomment des compléments vitaminés. Oui, et en soi, c'est pas un drame, mais alors, c'est souvent inutile. Ah bon? Ben oui, et donc ça coûte cher. Parce que souvent, les vitamines, vous en avez remarqué, ça coûte quand même assez cher. Hein. Et parfois même, c'est contre-productif. Alors, ça concerne surtout cette consommation de vitamines, les enfants de 3 à 5 ans et les femmes de plus de 40 ans. Alors, pour les enfants en général, il n'y a pas de consommation problématique. Par contre, pour les autres, il peut y avoir des conséquences. Quelques exemples. Si vous prenez trop de vitamine C, eh bien, ça peut causer des diarrhées et des ça calculs rime. Rénaux. Vitamine C, diarrhée, ça rime. Oui, calculs rénaux, non. Non, mais vitamine C, diarrhée, de fait. Trop de vitamine D, là ça conduit à des dépôts calcaires dans l'organisme, ça va perturber le système d'absorption du calcium, conduire à un état de fatigue et de mal-être. Bref, c'est pas terrible. Mais non, mais non, c'est pas terrible. Vous retiendrez. Donc les conseils. Voyez bien avec votre médecin si vous avez besoin de vitamines. Mm-hmm. Il va peut-être même vous prescrire une prise de sang pour confirmer. Ouais. Hein. Deuxième chose, manger sainement et équilibré. Normalement, c'est suffisant pour les vitamines. Ah, voilà. Sauf pour quelques personnes, des exceptions, les personnes plus faibles, les femmes enceintes, etc. Mais ça, de nouveau, le médecin vous le dira. Manger sainement, c'est la base donc de tout. Il ne faut pas manger de chips. Oh, oh, oh, oh. Non, mais alors, ce n'est pas parce qu'il mange des chips qu'il ne peut pas manger des fruits et des légumes voilà. à côté. J'ai quoi là, à côté de moi, Annie? Une petite banane. Une petite banane. Cinq fruits et légumes par jour et vous n'aurez plus besoin de vos compléments vitaminés. Et toc, Annie Allard. Bon, on passe à un autre truc qui a attiré votre attention, toujours dans la DH. Payer en ligne avec un selfie ou une empreinte digitale, ce n'est pas de la science-fiction selon le quotidien. Oui, c'est une réalité. Le principe est disponible en Belgique via une application. La question est de savoir quelle banque va proposer ce système et surtout quand. En tout cas, Mastercard propose donc une application qui permet de confirmer un paiement via soit un selfie, soit par empreinte digitale. Le tout passe évidemment par votre smartphone, vous l'aurez compris. Alors pour le selfie, il faut cligner des yeux pour être sûr que c'est bien vous, parce qu'on pourrait utiliser une photo. Ah oui. Parce que, logique. Hein, oui. Alors, il y a juste un petit souci, c'est les jumeaux. Aussi. Mais c'est embêtant. Là, selon le responsable de Mastercard, on rentre dans un... Oui, mais même... c'est trop, quoi. Voilà, on ne le fera pas. Donc, on peut payer en un clin d'œil, ça, on l'a compris. Mais on pourrait aussi, dans le futur, payer par un battement de cœur. Un projet test est à l'étude avec un bracelet qui permettrait de reconnaître le propriétaire via les battements de son cœur. Mais là, c'est un projet. Hein. Oui, mais même le selfie, vous faites confiance? Vous feriez confiance à ça? Imaginez, on a parlé des colorations. Oui, vous devez payer chez le coiffeur. Vous venez de faire une coloration, vous étiez brune, vous êtes blonde. Ah, bah oui. Avec des cheveux, vous aviez des cheveux longs, vous avez des cheveux tout court. Le selfie, ça marchera notamment avec les yeux, hein, plus qu'avec les cheveux. Oui, mais même, je ne fais pas confiance à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais... En tout cas, chez Mastercard, ils disent que c'est sécurisé, que c'est sûr à quasiment 100%. Donc... D'accord. On va laisser les autres faire. On verra gérer, après. On va gérer les plaintes ici, et puis on verra après. Dans l'émission, on vous en a déjà parlé quelques fois. Hein, il y a certains magasins qui ont déjà installé les rayons déco de Noël. Mais cette fois, c'est Saint-Nicolas dont on parle dans la presse. Oui, le grand saint qui a débarqué dans les rayons. En tout cas, les jouets confirment. Confirmation dans la presse aujourd'hui avec le porte-parole de Carrefour, selon qui ça répond surtout à une demande des clients. Bien sûr. Ils ne veulent pas acheter maintenant, mais ils veulent pouvoir déjà se faire une petite idée de ce qu'on peut trouver. Et surtout, ils voudraient, d'après lui, emmener les enfants dans les rayons pour qu'eux-mêmes disent « Tiens, moi j'aimerais bien demander ça, Saint-Nicolas ». On va le croire et on va se dire aussi qu'il... Laissons-lui le bénéfice du doute. Qu'il s'assoit allègrement sur les recommandations, Annie. On est d'accord qu'il y a des recommandations. Exactement, mais malheureusement, comme vous le dites, ce sont que des recommandations et donc elles ne sont pas contraignantes et obligatoires. Mais en fait, c'est appâter le client à faire venir les enfants déjà maintenant. C'est juste ça. On peut mettre les arguments. J'ai fait la réflexion hier. On peut mettre les arguments qu'on veut derrière, c'est juste pour appâter le client. Bah, et ça marche, parce que je suis allée avec ma petite fille hier. De fait, je me suis dit, tiens, déjà les rayons de jouets, qu'est-ce qu'elle a fait? Je veux ça, je veux ça. Et bien voilà. Bravo. Si vous avez envie de réagir par rapport à ça, vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook. En attendant, il y a Shawn Mendes qui arrive et puis on retourne sur les routes. On a entendu que ça roulait assez bien tout à l'heure. On va parler des embouteillages. Oui, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 24 janvier 2015? Bien, non, absolument pas. Eh bien, je vais vous le rappeler. D'accord. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut! C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique! D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va! Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirais « Je t'adore ». Des canons ou quelle biche? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. Oui, monsieur, SFR vous fait une offre mobile à 25€ par mois à vie. Mais non. Appelez-vous dans le futur et vérifiez. Allô? Michel, c'est moi. Enfin, c'est toi, mais du passé. C'est quoi ces histoires? Je paye pas mon forfait 25€ par mois pour qu'on me fasse des blagues débiles. Ok, je le prends. L'offre mobile de SFR, c'est du bonheur pour toute la vie. Appel et SMS illimité plus 6Go de data pour seulement 20€ par mois pendant 6 mois, puis 25€ par mois à vie. Plus d'infos au 02 226 55 55. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Forêt, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 10 à 14 heures, avenue du Globe 7 à Forêt. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. You better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you Mendes sur Vivacité. Treat You Better, c'est le titre. On n'est pas des pigeons. On part sur les routes, et sur les routes, il paraît qu'en matière de bouchons, Isabelle, on se débrouille pas mal chez nous en Belgique. Eh oui, malheureusement, est-ce que vous vous souvenez du 24 janvier 2015 ? Mais je ne sais même pas ce que j'ai fait hier, donc on me demande pas ça. Un petit indice, ouais. C'était un samedi, ouais. Et donc un jour où, normalement, la circulation est relativement fluide. Mais ce jour-là, au menu, pluie verglaçante, grésille et neige, résultat, 716 km de fil à l'arrêt. Et c'était quand même déjà un beau petit record pour notre pays. Et ça, c'est quand il se passe quelque chose d'extraordinaire, hein, lié aux conditions climatiques ou bien quand il y a un accident grave. Mais on remarque aussi qu'il y a de plus en plus de bouchons, d'embouteillages structurels qui ne sont liés à aucun incident particulier. Alors, l'année dernière, des fils atteignant une longueur cumulée de 100 km ou plus ont été observés sur l'ensemble de notre réseau routier durant plus de 1200 heures, selon Touric Mobilis. C'est énorme. Mais on peut s'estimer heureux. Je ne sais pas si vous avez vu ces images cet été d'un embouteillage en Indonésie. L'embouteillage, il a duré 3 jours. Ah oui, là... Et là, la protection civile venait ravitailler. On arrête de râler. À partir de quand on parle de fil ? Eh bien, toujours selon Touring Mobilis, on parle de fil dès que la vitesse est de moins de 50 km/h sur autoroute. Annie, vous qui faites de longs trajets tous les jours, vous devez connaître ça. Je connais les embouteillages, c'est un plaisir sans cesse renouveler de se taper la route. Excusez-moi l'expression, Charleroi. Bruxelles. D'où l'importance de choisir la bonne bande de circulation, peut-être Isabelle. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux semaines, j'avais parlé des files dans les grands magasins. Ouais. Comment choisir la bonne file? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est celle d'à côté qui avance plus vite que la nôtre. Eh bien là, il y avait quelques trucs quand même pour essayer de repérer la bonne caisse. Alors, sur les routes, est-ce qu'il y a une file qui permet de gagner du temps dans les bouchons? Eh bien, une banque de données néerlandaise pour la circulation s'est penchée sur cette fameuse question. La réponse, ça va intéresser plein de gens, ça. Alors, selon ces chercheurs néerlandais, mais attention, il faut bien préciser que ce sont des constatations qui sont faites et pour les routes à quatre voies. C'est déjà des belles routes. Voilà. Donc, dans 40% des cas, disent-ils, c'est la bande de gauche qui est la plus rapide. Dans 10% des cas, c'est la bande de droite et donc les bandes du milieu se partagent le reste. Ils ont fait aussi des constatations sur les routes à deux voies et là aussi, c'est la bande de gauche qui serait la plus rapide dans 2 cas sur 3. Mais est-ce qu'on gagne vraiment beaucoup de temps en prenant la bande qui avance le plus vite? Ça, c'est la vraie question. Mais en fait, pas vraiment. Hein. Toujours, ces chercheurs néerlandais ont fait des calculs. Et alors, eux estiment qu'on peut gagner entre 4 et 6 minutes sur un trajet de 5 km. Mmh. Et vous pouvez encore gagner quelques secondes en changeant tout le temps de bande. On a tous déjà connu ces petits malins qui font ça. C'est à déconseiller, ça vous fait gagner quasi rien. Et c'est un comportement très dangereux, évidemment. Et c'est la première fois qu'on arrive à ce genre de conclusion, Isa. Eh bien, écoutez, en fait, j'ai regardé un peu, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en 1999, il y avait eu une étude américaine qui avait fait aussi le point sur cette question. Alors, selon ces chercheurs, sur une dizaine de minutes, les deux bandes, en fait, avancent exactement à la même vitesse, mais pas en même temps. Oui, c'est ça. Donc, en fait, à un moment donné, l'une avance, l'autre pas, vice-versa. Et j'ai trouvé ça dans un article du Monde, et j'ai trouvé que le journaliste avait écrit une phrase délicieuse, qui est « Dépasser est un plaisir. Bref, être dépassé, une longue torture. » Il avait bien raison. Annie, vous êtes du genre à zigzaguer, à changer de bord régulièrement? Non, c'est insupportable, parce que c'est ça, en fait, qui est la cause d'accident. Et ouais. Déjà, quand on est à l'arrêt et qu'on fait des files, si vous rajoutez un accident en plus, mais bon, c'est un petit peu normal, entre guillemets, que la bande de gauche, peut-être, on a l'impression qu'elle avance plus vite, puisque, en général, les poids lourds se trouvent tous sur la bande de droite. Mm-hmm. Oui, souvent. Mais moi, hier, dans les embouteillages, j'ai pris un point de repère, un camion bien, bien précis. Je pensais être sur la bande qui allait plus vite et au final, le camion a toujours été devant moi. À force de se dépasser et repasser, on en revient à ce qu'il disait. Voilà. Sur 10 minutes, on a l'impression que l'autre bande avance, mais finalement, on avance exactement de la même manière. Donc, ne changez pas de bande. On est dedans, hein, on attend que ça passe. Conclusion totale. Donc, ne changez pas de bande. Voilà. Comme vous le dites, ne prenez pas de risque. Écoutez une bonne radio. Et l'affaire est dans le sac. En l'occurrence, Vivacité, évidemment, parce qu'il y a Nathalie Imbruglia qui arrive. Et puis après, nous reparlerons de nos petits animaux de compagnie, les chiens et chats, qu'on peut surveiller maintenant à distance grâce à des caméras. Chez Cora, 20 euros d'achat égale un timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez 2 jeans pour seulement... BAM 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, c'est le dernier jour pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info efp-bxl.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, info et tickets sur europeanopen.be. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis? Oui, au Westland Shopping. Oui! Et pourquoi? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cirque, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be. Ring West sortie 14. Parking facile. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where has one dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. C'était Nathalie Imbruglia avec Torn. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Nous vivons dans un monde de surveillance et de contrôle. La tendance actuelle n'échappe pas au monde animalier. Les chiens et chats sont aussi sous surveillance et ont droit à leur caméra. Paul-Henri Burion, vous vous êtes intéressé à ce marché. On peut acheter des caméras comme ça à 64 euros. C'est ce que vous avez fait pour surveiller votre chien. On est d'accord. Voilà Sébastien, je suis un petit peu anxieux, je voulais savoir où aller se balader à pic en mon absence. Donc, à je pic, lui c'est ai acheté toutou, ce évidemment. Magnifique objet, une belle caméra de 64 euros que j'ai pu lui fixer au cou. J'ai branché la caméra et j'ai laissé à pic faire sa vie. Et puis à son retour, bien, j'ai pu observer sa vie, sa balade, ce que j'ai fait. J'ai même été avec ces images, je me suis rendu chez une vétérinaire pour voir un petit peu l'intérêt que pouvait avoir ce type d'objet. Et c'est bien sûr là que j'ai déchanté, puisque je n'ai absolument, Sébastien, rien vu. Et pourquoi ? Que des herbes, que des, voilà, des images assez C'était mal longues. Réglé ? Bref, un vrai fiasco. C'était mal réglé, comme dit Aurore, non ? Mal réglé, non. C'est-à-dire que j'ai été intéressé par l'objet parce qu'il y avait cette accroche d'être un peu les yeux de mon animal. Mais disons que la caméra et les courses du chien ont fait que ça bougeait dans tous les sens. Et donc, voilà, impossible pour moi de distinguer quoi que ce soit. Et donc, voilà, j'étais un peu... je suis rentré chez moi bredouille. On oublie la caméra qu'on met au collier du chien. Vous avez d'autres exemples d'utilisation de caméra dans le monde animal ? Alors, j'ai rencontré Véronique. Et Véronique, alors là, c'est un peu une autre histoire. C'est un peu plus touchant. C'est-à-dire qu'elle a un petit chihuahua de 11 ans qui s'appelle Mocha. L'animal est aveugle. Il a développé des pathologies cardiaques et neurologiques. Bref, pour Véronique, avoir un contact visuel avec son protégé, ça la rassure. Donc elle a placé effectivement deux webcams chez elle. Mmh. Et quand je l'ai rencontrée, on a fait le test. Elle a pu observer de son iPhone que pour Mocha, tout se passait bien. Cet investissement lui aura coûté une centaine d'euros. Mais vous l'aurez compris, dans ce cas-ci, ça rassure Véronique, l'animal, lui, il fait sa sieste. Il s'en fout un peu. Voilà. Il s'en fout. Il y a des pensions pour animaux aussi qui s'équipent, qui investissent dans les caméras. Il y en a qui n'hésitent pas du tout. Je me suis rendu dans une pension pour de luxe, Klapsmet à Jedogne. Et là, toutes les chambres sont équipées de caméras. Et donc, c'est une demande des clients. Donc, le propriétaire, il s'adapte, il s'adapte au marché, on va dire. Et les clients, ben voilà, ils observent. J'ai rencontré le propriétaire de Fifty le chien et de Bougnette la chatte. Eh bien, ce monsieur, chez lui, de sa tablette, observe le chien, mais il observe aussi, et c'est là que c'est bien une histoire d'homme, on va dire, les soins que peuvent recevoir les animaux, s'ils sont bien soignés. Donc il y a un réel besoin de la part des propriétaires de voir aujourd'hui leurs animaux. Ah oui, clairement. Et le propriétaire de cette pension haut de gamme va lui-même plus loin. Vu la tendance, il a décidé, dans un proche avenir, d'équiper tous ses employés de webcam. Et donc, ça permettra aux gens de voir en temps et en heure ce qui se passe avec leurs petits protégés. Si l'employé a la webcam sur lui qui va à la toilette, on sait tout, c'est magnifique. Ah, voilà. La tendance actuelle. Vous n'êtes pas journaliste pour rien, Sébastien. Mais évidemment, vous voyez évidemment tout de suite la faille dans le système. C'est magnifique. Paul-Henri, j'imagine l'employé pourra à certains moments couper, parce qu'on imagine la toilette, mais on peut imaginer d'autres choses. La photocopieuse, la machine à café, on peut tout imaginer. Paul-Henri, on voit les images de ces caméras de surveillance pour chiens et chats ce soir à la télé à partir de 18h30. Côté musique, c'est du boum boum maintenant. C'est la musique d'Imani qui arrive sur Vivacité, le titre Don't Be So Shy. On vous pose une question sur la page Facebook aujourd'hui, c'est quoi rapidement ? Oui, on vous demande si vous changez de fil dans les embouteillages et si vous avez des trucs pour être zen. On vous lira juste après les infos de midi. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, do you feel my heat? Your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right, hold my step, I'm in command, can you feel my hips in your hands, and I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't ask me why, you're right. So much faster, I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, you're On va marquer une pause. Il y a les infos de midi qui arrivent et derrière, nous vous parlerons des embouteillages puisque c'est la question sur la page Facebook et puis du compteur kilométrique avec cette question. Peut-on le trafiquer? Pas bien, mais est-ce que c'est possible? Réponse après les infos. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes. T'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métairie. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métairie, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Cigogne et compagnie. Les cigognes ne livrent plus de bébés. Des personnages déjantés dans une aventure décoiffante. Ça c'est une caille, ça un émeu, il y a un poulet, rien de tout ça ne vole. Pour y assister, le 9 octobre à 11h à Bruxelles ou à Liège, composez le 0905 56 471 50 cents par appel. Médiacité présente le mois du sourire, ensemble pour Cap 48. Tous les mercredis et samedis, activités ludiques de sensibilisation. Je vous donne rendez-vous avec d'autres personnalités RTBF pour battre le record du monde et former tous ensemble le plus grand sourire humain. Je compte sur vous les samedis 8 octobre dès 13h30 sur la Piazza de Médiacité. Info sur cap48.be. Cité, il est midi. On s'informe avec vous, Delphine Vreux, bonjour. Bonjour. Et si les garçons et les filles suivaient le même cours de gymnastique à l'école, ensemble pour taper dans un ballon et ensemble pour courir? À l'école, en secondaire, filles et garçons, oui, ils s'observent, mais non, ils ne suivent pas le même cours. La ministre de l'Égalité des Chances et des Droits des Femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles estime qu'il faudrait donc des cours mixtes pour favoriser l'égalité. Bonne idée, réponse prof de gymnastique d'une école de Mons. Il a donné des cours mixtes pendant plus de 25 ans et pour lui, c'est un plus. Ça n'a jamais dérangé. Au contraire, il y a une émulation qui se fait entre les garçons et les filles. Les filles essayent de travailler un peu mieux parce que les garçons sont là et les garçons sont un peu plus respectueux. Et le fait de travailler ensemble ne gêne absolument pas. On individualise quand même un maximum en sport, donc on répartit quand même les exercices. Donc, de véritables problèmes, il n'y en a pas. Et des avantages? En course, par exemple, vu qu'on est en train de travailler en course, les garçons souvent tirent les filles. Ça les permet de courir un petit peu plus vite. Franchement, moi, personnellement, je trouve que c'est une meilleure solution aussi pour le social. Ça ne peut être que bénéfique. Un avis recueilli par Simon Bourgeois. La ministre précise qu'elle pense bien à des cours mixtes, pas des vestiaires. La proposition est sur la table de son gouvernement. C'est la ministre de l'Éducation qui doit maintenant la concrétiser. Pas de date de mise en application, donc pour le moment. La direction du site de l'entreprise de cosmétiques Estée Lauder à Ouvel, près de Westerlo, annonce son intention de supprimer 60 emplois. Elle délocalise l'activité vers la Suisse. Le site d'Estée Lauder à Ouvel emploie 900 travailleurs. Pas d'invitation pour que la direction d'ING Belgique vienne s'expliquer à la Chambre. C'était pourtant ce que réclamaient le PS et Écolo, tous les deux dans l'opposition fédérale. La majorité a demandé un huis clos et au final, elle ne demande pas à voir la direction de la banque, elle qui va supprimer plus de 3000 postes. La direction qui a aussi envoyé un mail à son personnel pour qu'il puisse répondre correctement à l'inquiétude des clients et expliquer aussi la valeur ajoutée de la restructuration. Un incendie fait un mort à Jambes ce matin, Jambes près de Namur. Le feu a pris au rez-de-chaussée d'une maison. La victime serait morte asphyxiée en tentant de fuir par la cuisine. Un chauffage d'appoint est peut-être à l'origine du feu. Monsieur Westphal est un homme politique qui se défend comme un homme politique. Plaidoirie de l'avocat de la famille Pirotton. Ce matin au procès de Bernard Westphal, il est jugé pour le meurtre de son épouse. L'avocat qui dit ne pas croire un seul instant en l'innocence de l'accusé. Du café, du chocolat, des vêtements aussi. Les produits achetés à un prix plus correct aux producteurs. C'est le commerce équitable et il est bien installé dans l'esprit des Belges. Ils sont 95% à connaître l'existence, selon une enquête menée par l'association Trade for Development. On trouve ces produits venus des quatre coins du monde dans presque toutes les grandes surfaces aujourd'hui. Preuve d'une évolution positive. Mais comment se porte ce marché du commerce équitable en Belgique? La réponse de Bernard Beutings, porte-parole de Fairtrade Belgium, ex-Max Avelaar. En tout cas, pour ce qui concerne les produits Fairtrade, on peut constater qu'on est toujours en constante augmentation. Au niveau des produits qui sont vendus en Europe, en Belgique en particulier aussi, et donc l'impact pour les producteurs du Sud est, lui, à chaque fois, toujours un peu plus grand. Aujourd'hui, les Belges achètent pour 15 euros de produits équitables par an, c'est vraiment très peu. On travaille à ce que ce soit plus, et c'est d'ailleurs le but de la campagne qui commence ce mercredi, donc la semaine du commerce équitable, c'est de sensibiliser un maximum de consommateurs, le faire comprendre qu'il y a bien évidemment un impact derrière le reste d'achat responsable. Et oui, on aimerait, c'est peut-être un rêve, mais à terme, que tout ce qui se vend, en définitive, soit équitable, qu'à chaque fois qu'un produit soit vendu, le producteur, d'où qu'il vienne, du nord ou du sud, puisse être rémunéré correctement. Ça, c'est, je pense, l'objectif qu'il faudrait pouvoir atteindre à terme. Une interview signée Thierry Van Gunlik. Enfin, un mot sur le prix Nobel de physique décerné à trois Britanniques. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur la matière et leurs recherches ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement de matériaux innovants. Jean-Marc Strel, un accident sur l'autoroute 40? Oui, c'est une voiture qui est sur le toit, le 40 Bruxelles-Liège, au kilomètre 52.2, en hauteur de Linsan. Le passage est forcément difficile, donc un peu de patience, prudence aussi en direction de Liège. Et puis, dans Bruxelles, une info, une seule, dans le tunnel derrière ce centre, un accident avec un passage difficile, là aussi, en direction du centre. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et jusqu'à 13h, l'équipe d'En est pas des pigeons. Merci Delphine, bel après-midi. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Je vais vous demander de vous mettre en condition autour de la table, vous chez vous. Imaginez que vous êtes à la place de Daniel, une auditrice qui n'a plus de connexion internet ni de téléphone fixe depuis le 27 septembre. C'est gênant. Quelle angoisse. C'est plus que gênant. C'est gênant. Vous vous rendez compte, elle ne sait même pas nous regarder. Nous entendre, nous te. Nous entendre, c'est pour rien, c'est plus nous téléphoner pour rien. Et on va l'aider. On va essayer de l'aider parce qu'on lui dit qu'il y a un problème. Ça, elle a compris. Mais comment on va l'appeler puisqu'elle n'a plus de connexion, ah non, elle n'a plus de téléphone. Va se débrouiller, va se débrouiller. Ah, vous êtes magique, Annie, comme chaque fois. Le service voiturier n'est plus réservé au restaurant chic de la capitale, Isabelle. Et non, parce que qui dit voiturier, on voit tout de suite la voiture, le chauffeur avec casquette et tout ça. Et bien maintenant, on peut trouver ça dans le centre-ville à Bruxelles. D'accord, avec voiturier et tout. Bon, on ira faire un tour. On va se poser une question. Peut-on trafiquer un compteur kilométrique? J'ai envie de dire pas bien, mais Cyril s'est penché sur ce dossier. Il nous dira ce qu'il en est exactement et tant qu'à rester dans le monde automobile, on vous rappelle la question sur la page Facebook. Oui, on vous demande si vous changez de fil quand il y a des embouteillages pour aller plus vite. Est-ce que ça fonctionne? Et surtout, que faites-vous pour rester zen dans les emboutes? Eh bien, Jean-Philippe a une arme secrète. Mode cabriolet et le best-of de Sarah Brightman. S'il pleut, je ferme le toit. C'est bien aussi. C'est une bonne idée. Dans le mode cabriolet, ce qui est génial, c'est que tu prends tous les gaz d'échappement des camions qui sont autour de toi. C'est ça. Ça doit être follement passionnant. N'hésitez pas à nous faire d'autres commentaires sur Facebook. Mais vous pouvez aussi joindre la rédaction d'autres manières. Oui, par mail par exemple. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Si vous préférez le téléphone, vous pouvez laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Et vous pouvez aussi envoyer un SMS au 3063. Ça coûte 50 centimes. Côté musique, il y aura un duo. Dis-moi que Marc Lavoine et Bambou avec « Dis-moi que l'amour ». Côté nouveauté, il y aura le chanteur belge Soul. Il y a la pêche ce morceau, je trouve. Vous passez à table, bon appétit tout le monde, on est ensemble jusqu'à 13h. Avec ce titre, Aloha, ça veut dire bonjour, mais dans quelle langue ça? C'est Aloha, c'est quand Hawaïen, tu vas... Hawaïen, un truc comme ça. Hein. Ça existe, ça, l'Hawaïen? Oui, si, c'est près, dans la région lilloise, Hawaï. Près d'Hawaï. Voilà, ils disent bonjour comme ça, Aloha. On n'est pas des pigeons. Alors, faire du shopping, c'est ce que nous allons faire. C'est déjà pas gai de temps en temps faire du shopping parce qu'il faut trouver... Il faut trouver une place de parking. Et tu tournes pendant des heures, et tu tournes. Moi, ça me rend dingue, Isabelle. Oui, et une fois que vous avez trouvé la place qui restait là dans le parking, il faudra payer le parking. Ah ouais, et parfois, oui. Ça, c'est pas très, très gai non plus. Et par exemple, à Bruxelles, on a constaté que des clients désertaient vraiment certains quartiers très commerçants parce que c'était devenu impossible de se garer, parce que tout cela a de quoi décourager, sauf... s'il y a un service de voiturier. Mais c'est que les restaurants chics et les grands hôtels qui ont un voiturier. Ben c'est ce que je croyais aussi, mais non, nous faisons erreur. Le week-end dernier, un service voiturier a été instauré dans tout un quartier de Bruxelles, c'est le quartier Louise, donc quartier quand même chic, mais il y a de tout. Vous avez de grandes enseignes, vous avez H&M, vous avez Zara aussi hein, dans ce coin-là. Et donc ce service voiturier, c'est pas toute la semaine, c'est du vendredi au dimanche, ouais. Parce que dimanche, il y avait aussi l'opération Sunday Shopping, donc les magasins étaient ouverts. Il y avait déjà eu un test en la matière pendant les soldes d'été. Alors visiblement, ça a convaincu puisqu'on remet ça. Alors c'est marrant parce que ça se passe à Bruxelles et le projet s'appelle Valley in the City. J'aurais dit Liège. Valley, pourquoi pas. Bon, on parle de ce projet, c'est la société Howard City qui est à l'initiative de service. Coralie Delmarcel est avec nous, bonjour. Vous êtes oui, la bonjour. Chargée de relations publiques de l'agence. Coralie, ce service de voiturier, ça a bien marché ce week-end? Oui, voilà, donc ça avait déjà très bien fonctionné pendant la phase test début juillet, donc on a voulu le mettre vraiment en œuvre, et ce week-end, ça a très très bien fonctionné, surtout le samedi. Et alors, comment ça fonctionne concrètement? J'arrive avec ma voiture, et donc là, je fais comme dans les films, quoi. Je sors fièrement, je donne mes clés au voiturier qui est là, et je m'en vais. Oui, voilà, en fait, c'est très simple. Donc, le client arrive, il dépose sa voiture à un desk situé boulevard de Waterloo. Il y a deux desks, hein, c'est ça, il y a deux desks. Oui, voilà, oui, il y en a deux. Et l'hôtesse se charge de prendre ses clés et un voiturier va garer sa voiture. Ensuite, quand le client a fait son shopping, sa balade, son resto, il téléphone au desk et on lui ramène sa voiture là où il le désire. Donc si par exemple il est tout à fait de l'autre côté de la rue, on peut lui amener là où il est. Alors, une bête question, est-ce qu'on peut le visualiser clairement? Est-ce qu'il a un uniforme, votre voiturier? Parce que sortir de la bagnole, donner mes clés à quelqu'un, j'ai envie de la revoir, moi, ma voiture. Oui, bien sûr. Donc déjà, il y a tout d'abord le desk qui est bien visible avec des grands panneaux sur le côté. D'accord. Et le voiturier également a la tenue donc de notre agent Howard et c'est inscrit également sur sa veste. C'est un voiturier, donc ils sont reconnaissables. Ok, ça va, ça me rassure. Et c'est cher comme service? Donc en fait, pour les clients qui font... Donc en fait, je vous explique vite le système. Donc on a des partenariats avec des commerçants. D'accord. Ces partenariats-là ont des jetons qu'ils remettent à leurs clients, donc ils consomment chez eux. Mmh. Et alors si le client a un jeton, là le service est gratuit. Par contre, s'il n'a pas de jeton, le service sera à 10 euros tout compris. 10 euros, quel que soit le temps qu'on passe pour faire son shopping ou son resto. Voilà, donc que le client reste une heure ou 5 heures, c'est le même tarif. 10 euros pour le service voiturier et le parking. Oui, voilà, 10 euros tout compris. Mais alors, on tourne nous pendant des heures, comment il fait votre voiturier? Il a un deal avec des parkings du coin ou Donc pour le moment, ça doit encore un peu se concrétiser. Donc là, il se gare là où il trouve de la place. Mais on va avoir certains accords pour avoir des places de parking. Et quoi, il va remettre des sous dans le parc-mètre si c'est un parc-mètre? Enfin... Mais là, pour le moment, donc, il faut vraiment que tout se mette en place, avoir les accords. On travaille en collaboration avec la ville de Bruxelles et d'Ixelles. Donc, on a très bon contact avec les filles de Madame Viviane Teutelbaum, mais également Marion Le Maire. Donc, tout se met en place petit à petit. Mais là, pour le moment, donc, tout fonctionne bien. Donc, on va garder le projet. Mais par contre, ce sera les vendredis après-midi, donc de 12 à 19, et les samedis de 10 à 19, pardon. D'accord. Et pour avoir ce fameux jeton qui rend le service gratuit, il faut donc acheter dans des magasins. Je suppose qu'il faut acheter pour une certaine somme pour avoir le jeton gratuit. Il n'y a pas encore vraiment de certaines sommes, non. Donc en fait, c'est pour le moment, on vise les commerces de luxe. Donc dès que le client achète dans un des commerces qui est en partenariat avec nous, là, il se voit remettre un jeton. Et côté assurance, comment ça se passe? Parce que si le voiturier emboutit ma voiture au coin de la rue ou si je me prends un PV parce qu'il l'a mal garé, comment ça se passe? Alors pour les assurances, il n'y a pas de souci. Tout est en ordre de notre côté, donc ça, il n'y a aucun problème. Et vous acceptez toutes les voitures, même une bagnole pourrie? Ou je dois aller avec une voiture bien chère? Non, bien sûr, on accepte toutes les voitures. Donc juste que le client doit payer le service, donc 10 euros, ou bien nous remettre un jeton. Mais sinon, bien sûr, on accepte toutes les voitures. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Voilà. Bon, bah, c'est un projet qui se met en place uniquement dans les quartiers chics de Bruxelles. Pour le moment, on est là, mais c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Voilà. L'idée est bonne. L'idée est originale à développer, pourquoi pas à Liège, avec Valet, un Valet in the City. Moi, je dis que ça peut le faire par là. Merci Coralie Delmarcel de nous avoir parlé de ce projet. Marc Lavoine, Bambou en duo, juste après la pause. Et puis, on s'intéressera toujours aux bagnoles et aux compteurs kilométriques en se demandant si on peut les trafiquer. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10. Faut te reprendre, hein. Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. Nouveau, Comea Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Comea Casa. Apportez un peu de chaleur. Viviane, conseillère à la Maison de l'énergie. Nous aidons gratuitement les Bruxellois à diminuer leurs factures d'énergie à partir d'une visite à domicile qui permet de faire un petit peu l'état des lieux du logement et puis ensuite de préparer les travaux en faisant une analyse des devis, en choisissant avec eux la meilleure technique et en faisant éventuellement aussi un montage financier selon les besoins. Contactez la Maison de l'énergie au 02 563 40 00 ou sur maisonenergieheus.be avec le soutien de Bruxelles Environnement.

Voilà, on doit donner le relevé du compteur kilométrique. Ouais. Et donc, il reçoit ce document, sauf qu'il ne le regarde pas très attentivement. Et c'est après, une fois qu'il est de retour chez lui, qu'il a acheté la voiture, qu'il voit qu'il y a une erreur sur ce CarPass et que le kilométrage monte de 15, 19 000, 25 000, 40 000 et puis revient à 20 000. Ah. Donc là, il se dit, y a un truc bizarre quand même. Ouais, ça, c'est pas possible en même temps. Si c'est pas possible, sauf que là, dans ce cas-ci, ça a été le cas. Alors, mais surtout que le CarPass, c'est un truc officiel quand même, hein. Ah oui, c'est ça, c'est complètement officiel. Et là, on s'est dit, mais comment c'est possible? Est-ce qu'on peut trafiquer le CarPass? Est-ce que c'est normal qu'on reçoive un mauvais kilométrage? Et donc, CarPass a été contacté. CarPass a pris contact avec le garagiste qui avait fait l'erreur, puisque tout ça est tracé. On sait quel garagiste a encodé le kilométrage. Et là, l'excuse du garagiste, écoutez bien, c'est « Oh ben, on a interverti deux véhicules. Voilà ce qui s'est passé. On s'est trompé de kilométrage. » Et donc, ce qui est assez étrange, c'est que cette erreur date de 2014. On est en 2016. Le garagiste se souvient exactement du moment où il s'est trompé. Alors concrètement, on n'a aucune preuve donc que ce n'est pas un compteur trafiqué. Non, on n'a pas de preuve que c'est un compteur trafiqué. Par contre, donc CarPass ici a accepté l'excuse du garagiste et a renvoyé un document CarPass officiel avec un kilométrage corrigé. Mais c'est assez compliqué de savoir si c'est une fraude ou pas. L'excuse du garagiste peut être crédible et le fait qu'il y ait une fraude peut être crédible aussi. Mais ça veut dire, Cyril, que le garage pourrait éventuellement frauder, même si ça se voit sur le CarPass, mais espérer tomber sur quelqu'un qui, comme François, finalement, ne le parcourt pas attentivement. Oui, alors, c'est un peu ça le problème. Effectivement, en théorie, un garagiste pourrait frauder. Maintenant, il faut savoir que le garagiste professionnel a très peu d'intérêt à frauder, si ce n'est vous vendre une voiture. Mais si derrière, vous portez plainte au SPF Économie, le SPF peut poursuivre ce garagiste en justice et peut aller jusqu'à la fermeture de son garage. Donc franchement, n'importe quel bon professionnel n'a pas d'intérêt à faire ça, et évidemment, a priori, ne fraude pas. D'accord. Le CarPass, il pourrait être lui-même faux ou pas? Comment c'est possible? Bon, c'est difficile à trafiquer quand même. Alors, c'est un papier qui est imprimé sur... C'est un document qui est imprimé sur un papier particulier. Donc là, il faudrait être un bon faussaire pour y arriver. Et quand bien même vous y arriveriez, pas facile comme mot, vous pouvez aller sur carpass.be, sur le site officiel, et vous pouvez là entrer le numéro du CarPass que vous avez, et vous allez vérifier tout de suite l'authenticité du document. Donc le côté faux document, ça, a priori, c'est impossible. Ouais, ça fait 10 ans que ça existe, un CarPass chez nous. Le bilan est plutôt efficace quand même de ce CarPass. Oui, alors franchement, les chiffres précis d'avant l'existence de CarPass, c'est difficile de tomber dessus, puisqu'il n'y avait pas vraiment de contrôle, mais on estimait à 60 000 le nombre de fraudes au compteur par an. Il faut savoir que sur l'année 2015, il y a plus de 800 000 CarPass qui ont été distribués et on détecte un peu plus de 1000 tentatives de fraude. Donc franchement, on peut dire que c'est assez efficace. On va repartir de ce problème vécu par un téléspectateur auditeur et on en reparlera ce soir à la télé à partir de 18h30. On vous rappelle la page Facebook et la question du jour. Aurore. Oui, on vous demande si vous êtes du genre à changer de fil quand il y a des embouteillages pour gagner du temps. Est-ce que ça fonctionne? Et si vous avez aussi des trucs et astuces pour rester zen dans les embouts? Alors Christelle nous dit, ça avancerait plus vite si les gens arrêtaient de changer de fil tout le temps en pensant que l'autre fil avance plus vite. Ce à quoi Jean-Philippe répond, par expérience depuis 24 ans, le fait de changer de fil n'est pas forcément une cause de bouchon. C'est la façon dont ce changement fait qui importe. Déboîter brutalement, sans clignotant et en frisant les moustaches de la voiture qui suit, entraîne une série de coups de frein en cascade. Et c'est bien ce qui crée les fils. Personnellement, je suis quasi tout le temps à droite, je déboîte calmement et dans les règles du code de la route. Et là, je vais défendre tous les motards qui sont nombreux aussi à remonter les fils sur l'autoroute. Le mec qui déboîte bêtement sans mettre de clignotant, c'est quand même excessivement dangereux. Donc si vous avez des choses à nous dire concernant ces embouteillages, n'hésitez pas, c'est sur la page Facebook que ça se passe. On vous lira encore, bien sûr, plus attentivement dans les prochaines minutes. On va faire un détour par la rédaction parce qu'il y a les titres de l'info qui arrivent dans 2 minutes 40 pour être précis. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17h, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu.

te fais s'habiller comme sans arrêt s'imiter comme à qui devrais-je ressembler comme tomorrow. Des pommes, qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier, comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme, sortir du nid pour pouvoir se laisser voler. Quand autour de moi j'entendais, et qu'il faudrait que je sois, je leur réponds simplement comme tout ma world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler comme tout ma world. Le chanteur belge Soul survivait avec le titre Comme. Et c'est quoi ton problème ? Nous ? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. C'est Daniel qui a un problème. Daniel est cliente chez Scarlett depuis juillet. Daniel devait être en ligne avec nous, mais visiblement Daniel a oublié d'être oui, à côté ou alors de son téléphone. Quelques ou elle difficultés. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va quand même prendre son dossier exactement. En considération, Annie, en le résumant un petit peu. Qu'est-ce qui se passe depuis juillet avec Scarlett ? Donc, elle a changé d'opérateur. Donc, depuis, elle est donc chez Scarlett. Elle paye normalement. Mais depuis le 27 septembre, elle n'a plus de connexion Internet. Elle n'a plus de téléphone fixe. C'est fâcheux. Voilà. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à la joindre, voilà, évidemment. Et donc, elle s'est renseignée. On lui dit que c'est quelqu'un de chez Proximus qui doit passer. On lui dit qu'il y a un problème, effectivement, qu'il y a un gros souci, mais à part ça, elle ne sait rien. Et donc, elle a vraiment l'impression d'être larguée, comme on dit, elle a l'impression de crier dans le désert, parce qu'on ne lui donne pas de nouvelles. Alors, du 27 septembre, on est le 4 octobre, c'est quand même le temps qui passe. Oui. Et donc, elle, ce qu'elle voudrait, c'est simplement de savoir, mais le problème, c'est quoi ? Il réside où ? Est-ce que ça va durer longtemps ? Alors, fine technicienne que vous êtes, vous avez un peu inspecté... Si ça dure très longtemps, est-ce qu'on va me faire un geste commercial aussi ouais. Parce qu'il faut envisager toutes les questions. Bon, on téléphone du côté de Proximus, parce que Scarlett, c'est aussi Proximus. Haroun Fenot, vous êtes le porte-parole de Proximus. Bonjour Haroun. Bonjour. Vous avez pris le dossier en cours, vous avez un peu regardé. Qu'est-ce qui se passe avec le dossier de Daniel ? Mais j'ai vu en effet qu'elle avait téléphoné le 27 septembre pour un problème. Le 28, donc le lendemain, un technicien... Proximus, parce qu'on sait que Scarlett utilise le réseau Proximus, est passé. Donc le lendemain, il a constaté qu'il y a une intervention d'un jointeur. Hein, donc c'est une modification de câblage qui doit être effectuée, probablement à cause des intempéries ou autres. Je ne sais pas exactement. Et donc ce rendez-vous a été pris et mis pour le 13 octobre. D'accord. Mais le problème, et c'est un rendez-vous qui est planifié dans les agendas des techniciens. Malheureusement, le problème réside dans la communication vers la cliente pour le lui signaler. Et donc, en effet, la cliente n'a pas été mise au courant. Mais s'il n'y avait plus d'Internet et plus de téléphone fixe, je comprends que la communication soit difficile. Non, mais elle a un mobile et on a essayé de la joindre sur son mobile. Mais malheureusement, on n'a pas pu pareil que nous. Elle ne s'inquiète surtout pas. Les techniciens seront présents. Vont effectuer le travail et au terme de ce travail, elle pourra récupérer toutes ses lignes. D'accord, donc ça veut dire, Haroun, qu'elle doit attendre jusqu'au 13 octobre, c'est bien ça ? Absolument, tout à fait. Voilà, alors, soyons pratiques dans la vie, Haroun. Entre le 27 septembre et le 13 octobre, ça fait quand même plus de presque 15 jours ça fait la moitié, sans quoi. Connexion, voilà. La moitié du mois. Ça a des incidences sur la facture qu'elle va recevoir ? Oui, il y aura certainement un geste commercial. Là, je ne peux pas vous donner plus de détails concernant ce que Scarlett va lui proposer, mais on m'a confirmé en effet qu'il y aura un geste qui pourra être effectué. D'accord. Voilà. Ce n'est pas plus que logique, en fait. Hein. Ici, oui. c'est un problème technique, visiblement, mais étant donné qu'elle va être avoir un problème de connectivité pendant ce temps-là, certainement, il y aura un geste commercial qui sera offert. Et d'ici là, est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, de rechange ? Alors, je vous explique, son fils est en recherche d'emploi, donc vous savez que c'est souvent sur Internet qu'on doit envoyer les CV, etc. Et elle travaille comme technicienne de surface, mais elle est aussi déléguée syndicale. Et donc, il y a des réunions, des trucs comme ça, et tout ça se fait via Internet. Est-ce que c'est possible, pensable, et c'est une simple question qu'on vous pose, d'essayer de trouver une solution de rechange jusqu'au 13 octobre où elle doit aller frapper chez son voisin ou sa voisine ? Écoutez, la connectivité est payée chez Scarlett. Hein. Par contre, si elle avait été chez Proximus, en termes de... Il y a plus de services qui sont offerts, hein, donc le prix est un petit peu plus élevé, mais il y a des services qui sont offerts, notamment de connectivité via une clé 3G, par exemple. D'accord. Écoutez, on lui dira. Dans ce cas-ci, malheureusement, ce ne sera pas possible. Bon, d'accord. Merci Haroun d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on sait, petit dossier, mais dossier quand même. On sait qu'il y a des problèmes techniques et qu'il y a des difficultés de communication avec la camarade d'Adiel qui a du mal à répondre. Mais bon, mais ce n'est pas grave. C'est réglé le 13 octobre voilà. Et il y aura un geste commercial qui sera fait. Tout ça pour vous dire que rien n'est impossible pour l'équipe dont n'est pas des pigeons. Si vous avez un petit souci, que ce soit avec un opérateur, en call center, en service après-vente, une administration, il y a quoi encore ? Un entrepreneur, un site internet. Ça, c'est très important. Dites-le-nous, les assurances. Vous aider. Les assurances, tout. Vous faites ça par mail, par exemple. Hein. L'adresse, c'est pigeon@rtbf.be. Vous pouvez aussi expliquer la situation brièvement sur le répondeur 070 222 660 et vous laissez bien le numéro de téléphone. Et puis, vous pouvez aussi laisser un message sur notre page Facebook. On n'est pas des pigeons. Plus complet que ça, on ne peut pas. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique ? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez deux jeans pour seulement... Bam ! 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, c'est le dernier jour pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Les inratables de Linebacker. On peut rater la connexion de sa nouvelle TV, mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec le canapé d'angle Aberdeen à seulement 399 euros au lieu de 699. C'est chez Linebacker. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Télépro et la Loterie Nationale. Vivacité est là de présente l'Etias Trophy, le tournoi Challenger de Mons, le rendez-vous du tennis de haut niveau depuis 12 ans. Du 1er au 9 octobre, c'est au Loto Mons Expo que les jeunes talents rencontrent des joueurs du top 100. Alors pour vous aussi, rendez-vous à Mons du 1er au 9 octobre avec le soutien de la Loterie Nationale, la Région Wallonne et la Ville de Mons. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée, Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. T'as dit de ne pas plier, non faut pas plier, oh non non faut pas plier, je sais faut pas oublier, restez positif dans nos têtes, faut pas oublier, ma brother, ma sister. Même si dans la vie, les choses sont dures et que c'est la détresse. Si la crise progresse, c'est qu'on laisse les mauvais gouverner. Tu dois faire les bons choix, le Saint-Père fera le reste. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de Lamborghini. Laisse ceux qui ont besoin de ça, l'ami, pour pouvoir exister. Et quant à toi, ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again, tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier, oh, oh, oh. Restez positif dans vos têtes. Faut pas oublier, oh, oh, oh. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy, oh, oh, oh. Restez positif dans vos têtes. Faut pas oublier, papa t'a dit de ne pas plier, plier, plier, plier. Pour défouler, il faut danser. Si plus rien ne va dans ta vie, tout simplement, faut écouter. C'est le remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu tenir le tester? Oublie tes problèmes et viens donc me follow. Ouais, c'est si easy, c'est si easy. Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de Lamborghini. Laisse ceux qui ont besoin de ça, l'ami, pour pouvoir exister. Et quant à toi, ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves again. Tu réessayes again, again and again and again. Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas oublier. Essayez. Et tout story missé, this music in Obi today. Et team be the start like play play. For France, we don't they throw it. So make una seriously. For na business, yeah. I make we they try to the rejoice, yeah. Why? Cause you know easy, yeah. Even if you no get money, yeah. They jolly, they shake body. Cause the way you they vex, they complain, yeah. If you no be God, yeah. Now zombie be dead body, yeah. Nobody be no baby. And when you fall, you go stand up again. You try them again, again and again and again. Cause you know easy, yeah. For Peter and Paul, I'm a testing, you know easy, yeah. My brother, my sister, now for Paris, we day. Good to a bad day, make we the tango di, yeah. Baba God, now your hand work, yeah. Faut pas oublier. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. My brother, my sister, même si c'est pas easy. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit qu'on n'est pas oublier. You know easy, yeah. For Peter and Paul, I'm a testing, you know easy, yeah. Matt Houston avec Positif, on avait oublié ce morceau. Ouais, on... c'est peut-être pas pour rien. Oui, on aurait peut-être dû continuer à l'oublier. Bref, nous allons sur la page Facebook où on vous posait une question. On vous parle d'embouteillage en se demandant s'il y a une file qui va plus vite que l'autre. Si on vous parle ça, c'est parce qu'il y a une étude qui est sortie, Isabelle. Voilà, c'est une étude qui est sortie, qui a été faite par des chercheurs néerlandais. Et attention, c'est important, parce qu'ils ont tiré leurs constatations de routes à quatre voies. Ah oui, dans les autoroutes aux Pays-Bas, voilà, près d'Amsterdam, il y a 4, voilà. 5, 6 voies. Et donc, ils disent, dans 40% des cas, c'est la file de gauche qui avance le plus vite. Dans 10% des cas, c'est la file de droite, et le reste, ben, c'est les fils du milieu. Mais alors, il y a deux fils au milieu. Donc voilà. Vous, quels sont vos trucs finalement pour passer le temps dans les embouteillages? Oui, et d'après vous, quelle est la file qui avance le plus vite? D'après Catherine, c'est la file qui avance la plus vite, que l'autre est toujours celle dans laquelle je ne suis pas, ce que confirme Bob, tout à fait d'accord. Lorsqu'on change, c'est celle où on était qui avance plus vite. Alors, Christian nous dit, j'ai choisi comme seul véhicule, été comme hiver, la moto. Donc, pas de problème de file ou de bouchon, mais pas question de faire le fou pour la cause en remontant les autres. Quand on fait ça gentiment, j'ai remarqué que maintenant, les automobilistes me font un peu de place. Alors Henri nous dit qu'en principe c'est celle de droite qui va plus vite, mais comme y sont agglutinés tous les poids lourds, j'ai des doutes. Jean-Philippe nous écrit, avec le nombre de boulets qui squattent la bande de gauche dès qu'ils empruntent l'autoroute ou le ring, c'est sans conteste possible la bande de droite qui avance le plus vite. Je viens à Bruxelles depuis 24 ans et c'est de pire en pire, ce que confirme Isabelle. Et puis Bruno a la solution, hein, pour les embouteillages: prendre un tire-bouchon.

just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving. Gnash sur Vivacité avec le titre I Hate You, I Love You. Sur la page Facebook, vous pouvez y retourner parce qu'on a besoin du coup de gueule, s'il vous plaît. Alors on s'est exprimé sur les embouteillages, c'est bien. Maintenant, on a besoin du coup de gueule. Il vous reste quelques minutes pour râler. Et les gens qui râlent, me dites pas qu'il y en a pas. Hein, si, forcément. Des gens qui râlent, il y en a partout. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Avec un ciel plein d'étoiles, on a trouvé le râleur, il s'appelle Roger et il arrive. Tiens mon amour, un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Oh, un collier en diamant avec une petite clé. Oh, c'est la clé de ton cœur, c'est ça hein? Non, c'est juste une villa à Ibiza. Ah, bon, c'est bien aussi. Ce mardi, jackpot incroyable de près de 141 millions d'euros. Jouez dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euromillions, devenez scandaleusement riche. Des pigeons. En fait, on a deux râleurs. Il y a Aurore qui me dit, mais non, c'est pas Roger, c'est Chantal. Arrête, lis un peu tes trucs jusqu'au bout. Il y en a trois, du coup. Et à Roger, qu'on entend souvent et qui râle souvent. Donc, sur le répondeur. Il nous laisse souvent des messages sur le répondeur. Et ben, je pense qu'on a trouvé sa petite sœur. Bonjour les petits pigeons, c'est Chantal de Grisnier. Moi, j'en ai ras-le-bol d'être envahie par l'informatique, par, comment il s'appelle celui-là, Facebook. Ras-le-bol. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère qu'on va faire comme les Gaulois, qu'on va résister. Bisous, à la prochaine. Allez, voilà. Bisous, Chantal, et à la prochaine. Et Chantal, quand vous voulez sur le répondeur. Oui, quand vous voulez sur le répondeur, et puis je suis désolé, on n'y échappera pas, Facebook et compagnie, là, je crois qu'il faut se faire une raison. Non, ça, c'est... Et d'ailleurs, si vous avez des choses à nous dire, mais faites-le sur notre page Facebook, hein, on n'est pas des pigeons. Bon, il y a le mail aussi. Bah oui, pigeon, pluriel, @rtbf.be. Pour Chantal. Le répondeur. Ben évidemment. 070 222 660 pour les coups de gueule, les coups de cœur et tout ce que vous voulez nous dire sur notre N'hésitez répondeur. N'hésitez pas. On va aller préparer la télé. On vous retrouvera ce soir à partir de 18h30 sur la Une et sur Vivacité. C'est vous, Sylvie, qui prenez le relais. On parle de quoi pendant deux heures avec vous? Les personnes difficiles. Vous en connaissez? Absolument pas du tout. parce que je vous présente aujourd'hui le petit cahier d'exercice pour évoluer grâce aux personnes difficiles. Vous voyez, toujours contrer, aller contre. Non, bah à un moment donné, il faut dire, on va faire avec hein, les personnes difficiles. Anne Van Stappen est notre invitée aujourd'hui. Elle est docteur en médecine, passionnée par les relations humaines, auteur de nombreux ouvrages best-sellers, de petits cahiers d'exercice. Nous parlerons évidemment avec vous de la communication non violente. Ça va, Anne ? Oui, Sylvie, je suis ravie. Vous dites dans votre livre, vivre avec des personnes que vous expérimentez comme difficiles, tout en gardant le cœur ouvert si elles vous sont proches, représente un réel défi qui peut vous épuiser, vous détruire ou vous faire grandir. Le temps est venu pour ceux dont c'est le lot quotidien, et là on s'adresse aux auditeurs, de quitter deux tendances assez coutumières des humains, celle de la victime qui se lamente, ça ne fera pas avancer des choses, ou se défend, et celle du bourreau cherchant vengeance, on perd une énergie énorme. Et donc on va essayer de sortir de ces deux constats-là, de ces deux cadres-là. C'est un petit peu ça l'objectif de ce cahier, hein, Anne ? C'est tout à fait ça, Sylvie. Tant qu'à faire, si on a des situations difficiles à vivre et qu'on ne peut pas nécessairement les quitter, comment est-ce qu'on peut grandir, ouvrir son cœur, se muscler, s'affirmer, et vivre s'affermir, pour soi aussi, voilà, et pas contre l'autre. Oui, et je crois qu'on peut vraiment devenir très fort et très aimant, d'abord pour soi, quand on vit des situations difficiles et qu'on est guidé, ou on a de l'aide, ou on a des soutiens dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr. On demandera aux auditeurs aussi de nous donner une petite définition de ce qu'ils appellent une personne difficile à vivre, évidemment, par rapport à ça. Vous viendrez nous donner la vôtre, on vous donnera la nôtre. 070 23 33 23, SMS 30 63, ce sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis, que voici. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Bonne journée à tous. Les reliefs des Fagnes et de l'Ardenne ont connu une matinée bien ensoleillée, alors que c'est resté bien gris partout ailleurs dans le pays. Cet après-midi, on espère quand même que des éclaircies se développent. Ce sera en toute fin d'après-midi. Les températures iront de 13 à 14 degrés sur les hauteurs, jusqu'à 17, peut-être 18 même du côté de la Flandre, avec ces dernières éclaircies en fin de journée. Le vent reste modéré de secteur nord-est aujourd'hui. La nuit prochaine, le ciel va se dégager complètement. Il fera frais, 4 à 8 degrés. Puis demain, là, pas de question à se poser. Ce sera plein soleil pour tout le monde, mais avec des températures qui ne dépasseront pas 10 à 15 degrés et un vent soutenu de secteur est. Très bon après-midi à l'écoute de Vivacité. Il est 13h. Du handball ou du hip-hop pour tout le monde. Les cours de gym ne devraient pas se donner séparément pour les filles et les garçons. C'est l'idée de la ministre de l'égalité des chances en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les premiers concernés, les élèves, ne sont pas contre, les profs non plus. Au procès Westphal, l'avocat de la famille de la victime tente de prouver la culpabilité du mari de Véronique Piroton. Il plaide aussi pour la préméditation de Bernard Westphal. La dernière course cycliste de Wallonie, Binche, Chim et